Vous écoutez Futur Simple sur CKRL au 89.1 et on va quitter l'infiniment grand de l'univers pour entrer dans l'infiniment petit de l'ADN. Donc, depuis 3 ans, le monde de la génétique connaît une véritable révolution grâce à ce qu'on appelle le système CRISPR-Cas9. Alors, derrière ce nom barbare se cache un outil qui permet de modifier l'ADN et qui pourrait bien servir à guérir des maladies génétiques, mais pas uniquement. Alors, avec Marie-Claude Lafitte, on se penche sur ce système de modification génétique qui permet de bricoler l'ADN. Bonjour Marie-Claude. Bonjour Valérie. Alors Marie-Claude, cet outil de la génétique, la CRISPR-Cas9, c'est un acronyme un peu compliqué. Ça veut dire quoi CRISPR-Cas9? Alors en fait, CRISPR-Cas9 se décompose en 2 mots. Premièrement, CRISPR, qui est un acronyme anglais et qui en français veut dire, alors accrochez-vous, courte séquence palindromique répétée, groupée et régulièrement espacée. Mm-hmm. Bah, effectivement, CRISPR, c'est un peu plus simple. Oui, voilà, à prononcer. Et le deuxième mot, Cas9, c'est le nom d'une protéine capable de couper l'ADN. Bon, alors voilà, on a la définition, mais on n'est pas vraiment plus avancé finalement. Donc, ça sert à quoi ce système CRISPR-Cas9? En fait, la meilleure analogie que je pourrais trouver, c'est que CRISPR-Cas9, c'est une paire de ciseaux moléculaires capable de couper l'ADN avec une très grande précision. Et en fait, c'est la révolution majeure de ce système. La précision avec laquelle le système peut couper l'ADN et la simplicité d'utilisation de ce système dans toutes sortes de cellules, en fait une avancée majeure qui a pour sûr modifié la vie de tous les laboratoires de biologie depuis 2-3 ans. Ah ouais, à ce point-là. Et donc, comment cette paire de ciseaux moléculaires a-t-elle été conçue? Elle vient d'où? En fait, c'est ça la beauté de ce système, c'est que CRISPR-Cas9, donc qui fait donc office de ciseau de l'ADN, a été découvert chez les bactéries. Donc ce n'est pas une invention, c'est un système naturel qui existait déjà chez les bactéries. Alors pour aller plus en détail, en fait, les chercheurs avaient observé que certaines bactéries sont parfois infectées par des virus. Et pour se défendre contre ces virus, les bactéries ont mis en place un mécanisme qui leur permet de couper l'ADN du virus pour empêcher le virus de se reproduire et de continuer d'infecter les bactéries. Mmh. Alors tout ça, ça devient un peu compliqué, hein, puisqu'on parle de virus qui infectent des bactéries. Ouais, oui. Mais pour faire simple, en fait, les bactéries ont développé un système de défense qui consiste à couper l'ADN du virus pour le neutraliser. Mmh. Donc en faisant des recherches sur cette capacité des bactéries à couper un ADN viral, plusieurs chercheurs ont compris que les bactéries reconnaissaient des séquences d'ADN spécifiques du virus et qu'ensuite, grâce à la fameuse protéine Cas9, les bactéries étaient capables de couper cet ADN viral. Donc cette protéine Cas9 est guidée pour aller couper l'ADN à des endroits spécifiques. Alors après avoir découvert ça, les chercheurs ont tiré avantage de ce système qu'ont naturellement les bactéries et l'ont adapté pour qu'il puisse être utilisé ailleurs. Donc ils ont un peu domestiqué cette bactérie finalement. Voilà. Donc est-ce que ça veut dire que le système CRISPR-Cas9 qui a été découvert chez les bactéries peut fonctionner aussi dans d'autres organismes, dans des cellules humaines par exemple? Ben, en théorie, ce serait possible. En fait, il est possible d'appliquer ce système ailleurs que dans les bactéries parce qu'il se base sur l'ADN. Et l'ADN, comme on le sait, c'est le porteur de l'information génétique de tous les êtres vivants. C'est la base de la vie, en fait. Et cet ADN est présent chez tous les êtres vivants. Ce qui change, en fait, d'un organisme à un autre, c'est la séquence de cet ADN. Donc la séquence, c'est les fameuses lettres A, T, G, C. Exactement. C'est cette séquence-là, l'ordre dans lequel ces fameux A, T, G, C sont organisés, qui diffère selon les espèces. Donc l'avantage des ciseaux moléculaires CRISPR-Cas9, c'est qu'ils ont besoin d'être guidés spécifiquement à l'endroit de l'ADN où on veut le découper. Donc il suffit de bien guider la coupure et cela en fait se fait grâce à ce qu'on appelle donc une séquence guide. Et c'est un peu comme si la séquence guide était une clé unique qui ouvre une porte unique. Donc cette clé se promène sur l'ADN à la recherche de la bonne serrure qui lui permettra de s'enfoncer, de couper l'ADN. Donc en fait, c'est la capacité de précision de cette séquence guide, de cette clé hein, finalement, qui est telle qu'on peut la faire fonctionner sur tous les ADN du vivant. Donc CRISPR-Cas9 est associé avec cette séquence guide, la séquence guide CRISPR-Cas9 sur le bon endroit. Sur l'ADN pour couper, exactement. Effectivement. Donc maintenant qu'on voit un peu comment ça marche, en fait, ça peut servir à quoi ce système? Pourquoi est-ce qu'il suscite autant d'intérêt? En fait, l'application de ce système qui est la plus intéressante pour l'instant serait pour les maladies génétiques. Parce qu'on sait que certaines maladies sont dues à des mutations de l'ADN qui provoquent un mauvais fonctionnement de la cellule et engendrent donc une maladie. Je pense par exemple à des mutations de gènes comme celle responsable de la mucoviscidose, pour ne citer que celle-là. Donc puisque CRISPR-Cas9 est capable de couper l'ADN, il serait possible de lui faire couper le gène muté responsable de la maladie. et de remplacer ce gène pour enlever la mutation et ainsi enlever la maladie. Donc on pourrait schématiser tout ça par une sorte de couper-coller, hein, comme on le fait sur un traitement de texte par ordinateur, où on coupe le gène muté en fait pour coller à la place un gène normal non muté. D'accord. Et est-ce que ça suffit qu'il suffirait en gros là d'injecter CRISPR-Cas9 à une cellule pour enlever la mutation génétique de la personne malade ? Oui et non en fait, parce que si on parle de modifier une cellule dans le cadre des recherches en laboratoire, donc en laboratoire, c'est relativement simple d'enlever des mutations génétiques en utilisant CRISPR-Cas9. Par contre, chez un être humain qui a une maladie génétique et qui a donc la mutation dans plusieurs cellules de son corps, cela s'avère compliqué parce qu'on n'est pas vraiment sûr que le système soit capable de se diffuser dans plusieurs cellules d'un organisme aussi complexe. Parce qu'on ne va pas injecter dans toutes les cellules, donc il faut que ça se diffuse de cellule en cellule. Exactement, il faut que le système puisse circuler dans le corps humain. Donc, mais on pense que si on est capable de le faire, cela signifie qu'on pourrait restaurer les fonctions normales d'un gène et guérir la personne de sa maladie. Donc pour l'instant, les chercheurs n'ont pas encore fait de tests sur des humains, sur des adultes, mais certaines équipes ont par contre commencé à travailler sur des embryons humains. Ah oui, alors là, on touche quand même une corde sensible avec la manipulation d'embryons. Est-ce qu'on ne s'emballe pas un peu avec cette nouvelle découverte et est-ce qu'on peut comme ça modifier des embryons pour finalement bricoler son bébé ? Parce que c'est peut-être bien pour enlever une maladie génétique, mais il peut y avoir d'autres applications. Ouais, effectivement, on est là face à une question éthique d'intérêt général. Modifier l'ADN d'une personne adulte qui a une maladie génétique, est-ce que c'est faisable déjà ? Parce que pour l'instant, le système n'est pas capable de le faire. Si c'est faisable, est-ce qu'on se donne le droit de le faire ? Et est-ce que modifier l'ADN d'une personne adulte, c'est la même chose que modifier un embryon qui n'est pas encore né pour enlever ou modifier des parties de son ADN ? Alors, il n'y a pas vraiment de bonne réponse. Hein. Toutes ces questions méritent un débat public sur l'influence qu'on décide d'avoir sur des embryons. D'un point de vue scientifique, ce que je pourrais dire, c'est que dans la communauté des chercheurs et médecins, il y a quand même une différence claire entre la modification de l'ADN chez des adultes versus chez des embryons. Les chercheurs ne traitent pas du tout les deux sujets de la même façon et sont de toute façon forcés par les comités d'éthique de prendre des précautions. Donc ces embryons-là sur lesquels on a déjà fait des recherches et sur lesquels on a testé CRISPR-Cas9 hein, pour modification génétique n'ont pas été ensuite portés à terme. Ils sont uniquement utilisés pour la recherche. C'est ça, c'était prévu dans le protocole dès le départ que c'était juste... Exactement. Donc la difficulté, c'est que les règles d'éthique sont fixées par chaque pays et certains pays sont plus enclins à accepter des expériences de modification des embryons que d'autres. Donc il est important de comprendre qu'une découverte comme celle-là, CRISPR-Cas9, c'est une découverte majeure. Ça peut permettre des applications médicales inenvisageables jusqu'à là, mais tout cela, bien sûr, doit être encadré par une notion d'éthique et de respect du vivant. Absolument. Ben, merci beaucoup, Marie-Claude. Ça va nous permettre d'y voir plus clair dans cette nouvelle technologie dont, je pense, on n'a pas fini d'entendre parler. Tout à fait. Merci. Merci, Marie-Claude. On passe maintenant en musique sur CKRL au 89.1 et au retour, on tente de répondre à la question « Sommes-nous tous des moutons ?»